Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Hollywood, l'extraordinaire machine à fabriquer des rêves. And the Oscar goes to... From Canada, the barbarian invasions, accepting the award, the director, Denis Arcand. Le Canada est à l'honneur à cette cérémonie des Oscars de 2004. Le film de Denis Arcand, Les Invasions barbares, remporte l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Cette cérémonie des Oscars incarne bien l'esprit d'Hollywood. Le milieu cinématographique américain s'organise à chaque année une grande fête du cinéma, de son cinéma, en accordant pour l'essentiel au cinéma de partout ailleurs dans le monde un seul Oscar, celui du meilleur film en langue étrangère. Autrement, les Oscars, c'est Hollywood qui célèbre le cinéma d'Hollywood. Vous la reconnaissez sûrement, cette musique, cette fameuse musique de la 20th Century Fox. Et pour nous raconter l'histoire d'Hollywood ce soir, sur cet écran, Laurent Turcot. Bonsoir, Laurent. Bonsoir. Ça commence quand, l'histoire d'Hollywood? Ben, Hollywood, ça commence quand, en fait, la bourgade et la Californie deviennent américaines en 1850. Mais ce n'est qu'une petite ville. En 1903, 700 habitants. Hollywood est minuscule. En 1910, la ville va être rattachée à Los Angeles. Mais le cinéma, entendons-nous, existe bien avant. On se dispute encore pour savoir est-ce que ce sont les frères Lumière en France, ouais, ou est-ce que c'est Edison du côté américain. On va pas trancher le débat, plus certains l'ont fait. Mais chose sûre, il y a déjà Edison qui s'est installé à Chicago et sur la côte est américaine où on produit déjà beaucoup de films. Ouais. Mais à partir de ces années 1910, Hollywood devient ce qu'on appelle Hollywood, donc le bois de houx, si on traduit littéralement. C'est un ranch au tout début. C'est exactement ça. Ouais. C'est un ranch où on cultive des agrumes. Ça sent bon, c'est ensoleillé. C'est le paradis, ouais, mais on va s'y déplacer pour différentes raisons à Hollywood, mais sûrement pas pour le cinéma au départ, parce que comme je vous disais, c'était plutôt vide. Ouais. Et le cinéma, ça va arriver dans les années 10, justement, pour nous parler de ce grand coup de départ, du moment où Hollywood devient ville de cinéma. Pierre Lecavalier, correspondance de Pierre Lecavalier à l'émission Les Belles Heures en 1987. Vous allez voir, Laurent Turcot, c'est savoureux. Il y a dans cet extrait le genre d'anecdote dont vous raffolez. À la fin du 19e siècle, c'était une période d'expansion immobilière considérable pour le sud de la Californie. On bâtissait partout. Mais Hollywood, à ce moment-là, n'était qu'une autre petite ville parmi bien d'autres, dont les rues n'étaient pas pavées, elles étaient bordées d'eucalyptus. Mais les choses se sont mises à changer en 1910, lorsque Los Angeles a annexé Hollywood. En moins d'un an, il y a une compagnie cinématographique du nom de Nestor Film, qui venait du New Jersey, qui est venu s'installer à Hollywood à cause du climat. Le climat qui permettait le tournage de films à l'année longue, contrairement à la côte atlantique. Et en quelques mois, il y avait 14 autres compagnies de cinéma qui s'étaient également rendues sur les lieux pour y travailler. Mais ce qui est original là-dedans, c'est que la réception de la part des résidents de l'endroit était moins qu'enthousiaste. Les résidents craignaient le bruit et également le dévergondage des équipes de tournage qui devenaient fort nombreuses. Alors, il y avait des hôtels et des magasins à Hollywood qui affichaient des panneaux qui disaient « pas de chien et pas d'acteur ». Pas de chien et pas d'acteur, faut le faire quand même dans ce qui deviendra la mecque du cinéma. Oui, tout à fait. La connaissiez-vous, Laurent, cette anecdote? Non, je ne connaissais pas cette anecdote. C'est fou. Je vais la garder. C'est assez commun, en fait. Quand les acteurs arrivent, on a toujours des anti-acteurs et des anti-milieux artistiques. Ouais. Ce n'est pas neuf. Mais c'est vraiment l'explosion. Donc, il le dit, Lecavalier, 1910-1911, une première maison de cinéma, un premier studio. Puis là, c'est l'explosion. Oui, en revanche, il faut quand même apporter quelques autres éléments. On a parlé de la qualité de l'ensoleillement qui faisait super beau. Oui, mais pas seulement. Différentes raisons expliquent qu'on se déplace vers, justement, la Californie. La qualité de l'ensoleillement, bien sûr. La diversité des paysages. On a de la mer, montagne, forêt, désert, à une heure de transport. Donc, on peut tout tourner. Autre chose que l'on oublie parfois, le cinéma américain, c'est l'époque des grands westerns. On a besoin d'une part des cow-boys et de l'autre des Indiens. Eh oui. Il y en a pas loin. Il y en a pas loin. Et sans que ce soit trop folklorique, on peut les intégrer dans les longs-métrages. Et finalement, autre élément, derrière la culture, il y a toujours l'économie. Et ici, on va considérer, ou plutôt on va se rendre compte que le salaire journalier à Los Angeles est deux fois moins important que celui des grandes villes de l'Est, Chicago, New York, Washington. Donc, et en plus, il n'y a pas de syndicat. Donc, les grands producteurs qui vont vers Hollywood, ce n'est pas par volonté d'ouvrir et d'avoir du beau soleil, non. C'est au départ aussi parce que ça va coûter moins cher. Et ça donne ce que ça donne, c'est-à-dire la création des grands studios, du système des studios et une concentration assez hallucinante de la production cinématographique américaine, mais mondiale. Dans les années 20, Laurent, la moitié déjà de la production cinématographique mondiale vient d'Hollywood. Vient d'Hollywood, tout à fait, tout à fait. Mais l'autre élément qui est important dans ce que vous avez dit, c'est qu'avant les années 1920, ce n'était pas les États-Unis. 1910, la moitié de la production est en Europe. Et d'ailleurs, on importe beaucoup d'Europe. Ouais. La dominante américaine culturelle, elle commence à s'établir dans tous les niveaux de la culture. Pas encore militaire, mais la culture ici, elle est prédominante. On n'est pas dans ce domaine dominant complètement. Mes chaussures, et vous l'avez dit, les grandes compagnies que sont Paramount, MGM, Warner Bros., 20th Century Fox, RKO, Universal, Columbia ou United Artists, qui sont les major 8, c'est-à-dire les 8 principales, qui vont avoir la presque totalité de la production, mais non seulement de la production, mais aussi de la diffusion. Et ça, c'est assez fondamental. Ouais. Parce qu'un studio, ça produit, ça diffuse et ça projette. Parce qu'on avait aussi des salles, ce qu'on appelle des Nickelodeon, 10 000 salles où on projette les films. Ce qui fait que les studios produisent un peu comme de l'huile d'olive, très, très, très, très, très rapidement, des films pour pouvoir les présenter sur ces salles. Donc, il y a un effet d'entraînement, il y a un effet de nouveauté et on veut voir des films nouveaux à chaque semaine. Il y a une machine à nourrir, une machine à fric, évidemment aussi. C'est une grosse industrie déjà à ce moment-là. Mais c'est plus que ça. C'est, parlons des années 20, c'est sur le plan de l'art, de la cinématographie, c'est l'âge d'or du muet. Il y aura de grands réalisateurs à cette époque à Hollywood qui vont faire de grands films dans différents genres. Alors, tout à fait. C'est que le muet, pour plusieurs historiens de l'art, et je pèse mes mots, c'est le septième art. Et le muet incarne parfaitement ce sentiment. Vous avez parlé de grands réalisateurs, Cecil B. DeMille, on le sait, qui a produit, on va en parler dans quelques instants, les grands péplums, mais qui arrive dès les années 1913 et qui s'installe à Hollywood, qui va tourner tout plein de choses. Mais avec eux, des acteurs. On ne peut pas passer à côté de Buster Keaton. Un de ses grands chefs-d'œuvre, c'est le Mécado de la Générale. Il a tourné la scène la plus chère jamais filmée du cinéma muet. Pourquoi? Parce qu'il fait la destruction d'un pont et d'une locomotive évaluée à 42 000 $. Il y a même une scène à un moment donné où il va reconstituer un de ses rêves d'enfant où il était pris dans une tornade. Et il va faire venir sur scène des moteurs d'avion pour simuler la tornade. Allez le voir sur YouTube, c'est phénoménal. Il n'y a pas un son et il bouge avec son corps. Mais il y a encore quelqu'un de plus grand. Mais du moins, ça dépend de comment on les place. Et si c'est pas un Américain, c'est un Britannique. Ouais. Charlie Chaplin. Donc, Charlie Chaplin. Parce que, effectivement, ils seront nombreux par ailleurs. Hollywood aura ce pouvoir d'attraction. Beaucoup d'Européens viendront travailler à Hollywood. Puis Chaplin, effectivement, c'est un des grands. En comédie, Keaton, Chaplin, mais il y aura des drames, des mélodrames, David Griffith, des westerns, John Ford. Mais restons sur Chaplin, puisqu'on y est. Écoutons l'assistant personnel et ami de Charlot, de Charlie Chaplin, pendant 40 ans, George Spelvin, alias John Barry. Il nous parle des aspirations de Chaplin. Vous allez voir, c'est super intéressant parce que c'est des années où il y a énormément de talent, il y a une grande effervescence à Hollywood, mais en Europe également. Et Chaplin, à ce moment-là, est en train de tourner La ruée vers l'or, un de ses chefs-d'œuvre de l'époque muette. Et il cherche à se faire une place, à avoir une reconnaissance, à être plus qu'un clown. Tu sais que Charlie était un angoissé, hein? C'était vraiment terrifiant dans ce film. Il ne jouait pas dedans et tentait de prouver qu'il était le plus grand metteur en scène dramatique du cinéma. C'était comme une revanche, hein? Une revanche par rapport à quoi? Par rapport à qui? Parce que il voulait une revanche contre Hollywood. Vous savez que tout le monde à Hollywood veut un peu de revanche. Et Charlot n'était pas au hors de le jeu. Et à ce moment-là, von Stroheim et Griffith étaient considérés comme des génies. On découvrait les films européens, danois et surtout allemands. Lubitsch, Murnau, Fritz Lang. On lisait beaucoup les articles sur l'art cinématographique. Et Chaplin avait beau dire qu'il tournait pour l'argent, hein. Mais il était lucide sur la qualité de ce qu'il faisait, hein. Cela finissait par l'agacer qu'on le considérait comme un clown unique. Clown unique? Simple clown, Chaplin, je pense pas. C'est vraiment un des grands. Ah, vous avez raison, ce n'est pas un clown. Ceux qui n'ont vu que les petits extraits de Charlot, justement, des petits films de 5-6 minutes, faut aller voir plus. Derrière le vagabond dandy qu'incarne le personnage de Charlot, il y a plus. La scène finale du dictateur, je pense, est la plus belle, une des plus belles du cinéma. Pourquoi? Vous remarquerez qu'il fait un discours pour l'humanité, pour la diversité, pour la paix, et il coupe son corps. On ne voit que sa tête, que sa bouche, mais malgré tout, Charlot pointe derrière, on voit les sourcils, ouais, les yeux qui bougent, mais c'est comme s'il disait au public, ne regardez pas mon corps, ce n'est plus drôle, je vous parle et écoutez chacun de mes mots. Historien et amoureux du cinéma, donc, Laurent Turcot, on le voit bien aujourd'hui avec cette émission. Les Oscars arrivent assez vite, parce que ça incarne, je faisais référence au tout début de l'émission, les Oscars, c'est la grande soirée, la grande consécration chaque année. Premiers Oscars en 1927. Et puis avec les Oscars, évidemment, les robes, la paillette, les tapis rouges, le star system, très vite, les années 20. Ah oui. La presse à potin, tout le tralala. Tout est là déjà en 1920. Ah, tout est là, tout à fait. D'ailleurs, si vous voulez voir une magnifique reconstitution de telle que c'était dans les années 20, regardez Chantons sous la pluie, Singing in the Rain. Les premières minutes de cette comédie musicale qui a été tournée plus tard représentent magnifiquement bien cette espèce de star system qui naissait. On faisait ce qu'on voulait. Douglas Fairbank, Mary Pickford. Donc, on a vraiment ces grands acteurs. Et en plus, Rudolph Valentino. Mmh. Rudolph Valentino, qui, quand il va mourir en 1926, va être plus apprécié, du moins, ça va être une commotion générale encore plus importante que celle du président américain Harding, qui est mort quelque temps après. Si le vedettariat s'est lancé rapidement dans le cinéma. Vedettariat, rêve américain qu'on voit au grand écran, mais qu'on lit aussi dans ses journaux à potin, parce que c'est ça aussi, c'est les belles voitures, c'est les belles maisons, c'est les mœurs... Légère. Ah non, ouais. Vous avez raison de le dire, les mœurs légères. Et d'ailleurs, on va dire que certains acteurs sont des dévergondés, comme on l'a entendu dans l'extrait. Et notamment, ils sont des gens divorcés. Mary Pickford, dont je vous parlais il y a quelques instants, va se divorcer. C'est le drame, c'est affreux. Mais il va avoir quelques éléments plus fondamentaux, comme par exemple le meurtre d'un certain William Desmond Taylor, où sont impliquées deux actrices, Mary Miles Minter et Mabel Norman, en 1922. Et là, on va se dire, attention. On est peut-être en train de dérailler. Ce star system qui se met en place, ces grands acteurs qui prennent le haut du podium, peut-être qu'il faudrait réformer des mœurs. Et on se rend compte que le gouvernement américain regarde Hollywood en se disant, là, je pense qu'il se passe quelque chose, mm-hmm, va falloir légiférer. Il y a quelque chose de subversif. Il y a quelque chose de pourri au royaume du bois de houx. Oui. Et avant même que, justement, le gouvernement intervienne, les grands studios qu'on a évoqués tout à l'heure, les majors, vont se rassembler et ils vont engager un avocat du nom de William Hayes pour justement se doter d'un code de censure, ou plutôt d'auto-censure, ouais, pour s'empêcher de faire des sujets indignes. Et je vous donne quelques-uns, mm-hmm, des thèmes qui étaient dans le code Hayes qui a été édicté en 1930. Les crimes contre la loi, leur représentation ne doivent pas être faites. La sexualité, et là on écrit, le caractère sacré de l'institution du mariage doit être préservé, c'est-à-dire les relations hors mariage. Ouais. Non. La vulgarité, l'obscénité, les jurons, et on va donner une liste de jurons à ne pas faire. Vous pouvez imaginer que le mot en quatre lettres en faisait partie. Les costumes, les danses, la religion, les décors, le sentiment national. Bref, tout un ensemble de règles à respecter. Code qui ne va pas se rendre jusqu'à nos jours. Non. Ça, c'est certain. Oui. En regardant ce qu'on voit maintenant, il y a des petits bouts qui ne sont plus là. Sunshine's west, but I know where the sunshine's best. Mammy, Mammy, my heartstrings are tangled around Alabama. I'm a-coming. Sorry, I made you wait. I'm coming. I hope and trust I'm not late. Mammy. Al Jolson dans Le chanteur de jazz, premier film parlant de l'histoire du cinéma, Laurent Turcot, en 1927. Ça va vouloir dire quoi, ça, l'arrivée du parlant pour Hollywood? Ben, pour certains, c'est la mort de Hollywood. Âge d'or, pourrait-on dire. Pour d'autres, au contraire, ce n'est qu'une évolution naturelle parce que on avait déjà la radio qui permettait d'allier la musique et les images. Mais là, la grande nouveauté, c'est l'ingénieur de son. Mm-hmm. Avant, le réalisateur était déterminant. Mais maintenant, une fois que la prise est finie, on se retourne vers l'ingénieur de son et dit « Est-ce qu'on a bien entendu? » Parce que les acteurs peuvent avoir joué magnifiquement bien. Si on n'entend rien, on recommence. Ouais. Encore une fois, Chantons sous la pluie, Singing in the Rain, la comédie musicale qui remonte justement jusque-là, si vous voulez savoir comment ça s'est passé. Le prix des films, pardon, va doubler, voire même tripler. Et ça va être des méga-productions ouais. de plus en plus grandes. Donc, on va réduire le nombre de films pour d'autant justement que ça se arrive, concentrer. À la veille, le parlant 27, à la veille de la Grande Dépression, c'est difficile. Là. Hollywood, les studios doivent être refaits complètement. On va s'adapter, mais c'est vraiment de ça dont on parle, une adaptation du cinéma. Une adaptation, tout à fait. Une adaptation qui va passer par différents vecteurs. Et un de ceux-là va s'appeler Walt Disney. On le connaît, Walt Disney, aujourd'hui, parce que c'est lui qui fait tous les films d'enfants, le plus grand studio et une des grandes compagnies dominantes. Eh bien, lui, il va avoir le projet fou de faire un long métrage en dessin animé. Il y a même des médecins qui vont dire « Non, écoutez, c'est impossible. Les gens ne peuvent pas physiologiquement supporter un dessin animé pendant 2 heures. » Lui va dire « Écoutez, il est hors de question. Je vais le faire. » Et le cinéma, juste pour vous dire, c'est 24 images secondes. Ça veut dire que pour un long métrage en dessin animé, c'est 1 million de dessins. 4 années de travail, ça va nous donner le plus grand dessin animé. Un des plus grands, pardon, c'est Blanche-Neige en 1937. Donc ça, c'est un des vecteurs. Mais entendons-nous, avec la crise, vous l'avez dit, ça va être de plus en plus compliqué pour les producteurs d'amasser de l'argent. Ouais. Donc, le parlant, évidemment, c'est l'adaptation des studios, c'est le début de la dépression, c'est une période difficile, c'est une période aussi qui va mener à plus de concentration encore, parce que c'est difficile, il faut produire des films, on en produit moins, concentration plus grande autour de ces grands studios dont on a parlé sur ce système-là. Le point de vue de l'acteur français Louis Jordan, qui a fait carrière à Hollywood, et qui, vous allez voir, est très critique de ce système pour un acteur des grands studios. Hollywood est une ville très curieuse, avec certains tempéraments. L'influence est mauvaise. Je crois, j'espère en tout cas que pour moi elle a été bonne, parce que je me suis rebiffé contre Hollywood. Je n'ai pas accepté Hollywood. J'aime bien y vivre, j'aime bien surtout y travailler, mais dans le fond, ça n'est pas pour moi. Le comédien devient un peu un fonctionnaire. Le comédien est sous contrat. Il est à l'affût de la sécurité, il est à l'affût du contrat de longue durée, ce qui est mauvais pour le développement d'un acteur. Bon, très critique, donc, Louis Jordan du système des studios à Laurent Turcot. Il va durer un bout de temps. Ça finit quand, à ce système-là? Bien, ça se termine, en fait, en 1948 avec la loi antitrust où on empêche, justement, les grands studios de contrôler toute la chaîne de production jusqu'à la diffusion et même de posséder des salles. Mais avouons-le, après la Deuxième Guerre mondiale, la grande transformation, c'est la télévision qui, justement, va permettre à tout le monde d'avoir des représentations presque cinématographique, dans leur chez-soi. Donc, Hollywood va tomber peu à peu dans ces années-là. Mais au même moment, en Europe, que se passe-t-il? Bien, les grands films français, italiens... Donc, c'est un petit passage à vide. Ces années 50, 60, ça se poursuit dans les années 60 pour Hollywood. Ah, tout à fait, ça se poursuit, parce qu'à cette époque-là, en France, on a la Nouvelle Vague, on a plein d'autres grands réalisateurs. C'est Fellini, c'est vraiment ça regorge de partout du côté européen. Juste avant d'aller plus loin là-dessus, un extrait, justement, d'un journaliste qui nous parle, en 1968, du fait que, artistiquement... Ce n'est plus Hollywood qui fait la loi dans le monde cinématographique. Axel Madsen, en 1968. Au sens de l'argent, je dirais aujourd'hui. Hollywood n'est évidemment plus le centre de gravité du cinéma. C'est plutôt Londres, ça a été Paris, c'est encore Rome. Mais au point de vue argent, au point de vue argent, c'est toujours le centre. C'est-à-dire c'est ici que les films, les productions se fassent. C'est ici qu'elles sont initiées, qu'elles sont débauchées. Et Hollywood essaie également de se renouveler aujourd'hui. Hollywood est au courant, sait que des nouveaux vents soufflent sur le cinéma et ne cherche pas mieux que de trouver son, disons, son Godard indigène. Je ne sais pas si Hollywood va trouver son Godard indigène, Laurent Turcot, mais c'est vrai que dans les années 70, il y a un rebond. Hollywood revient avec une nouvelle génération, avec un cinéma différent. Aussi. Un cinéma complètement différent. Et ce qui va changer, c'est le système de classification par âge. On laisse tomber le code Hays. Et en 1968, c'est qu'on, selon les âges, on peut aller voir différents films. Parmi ceux-là, bien sûr, Les deux parrains de Francis Ford Coppola, 72-74, les comédies musicales, les films de guerre comme Voyage au bout de l'enfer et bien sûr, moi, mon favori personnellement, les films de science-fiction avec La guerre des étoiles. On le sait, ça perdure encore aujourd'hui. Avec George Lucas en 1977, on entre peu à peu dans cette ère des blockbusters. On revient dans ces films avec des produits intégrés. On rentre dans la culture de masse, des jouets, des jeux vidéo, des toutous. Là, Hollywood comprend les mécanismes complets pour réinvestir ces films et en faire des produits de consommation quotidienne. Donc, la machine, l'industrie qui reprend ses droits. Puis aussi, cette nouvelle garde vraiment qui compte, Spielberg, Pacino, enfin ils sont nombreux, mais il y a un renouveau sur le plan cinématographique aussi. Complètement. Il y a un renouveau justement avec ces grands qui vont bien sûr être cautionnés par les Oscars, parce qu'on s'entend que la récompense ultime pour tous ces acteurs, c'est d'avoir un Oscar. Pour certains, ça veut dire la mort d'une carrière, parce qu'on s'est dit maintenant j'ai tout fait, je peux faire ce que je veux. Mais il est vrai que là, on assiste à de nouveaux grands réalisateurs, souvent étrangers. Il n'est pas rare que certains grands réalisateurs français, italiens, une fois qu'ils ont réalisé dans leurs pays respectifs, viennent à Hollywood pour tester, comme l'ont fait les Jean Renoir de ce monde au début du 20e siècle. Oui. Donc, on pourrait dire que la roue tourne et ça recommence. Parce qu'Hollywood a des moyens, encore aujourd'hui, à la différence près que vous avez évoqué ce système des blockbusters, puis on est encore là-dedans, il y a sur 10 films, Laurent, 10 films avec de gros budgets, il y en a 3 qui vont marcher très, très fort et qui vont permettre de financer les 7 autres qui ne marcheront pas. C'est encore là-dedans qu'on est. C'est oui. ça le système. Ah oui, non, mais vous avez raison. En revanche, la grande différence, c'est que les 7 autres qui ne fonctionnent pas, ils fonctionnent aussi par différents canaux. La vente de DVD, de cachettes VHS à l'époque, de produits dérivés, la vente à des réseaux, justement, à travers le monde, que ce soit en Australie, au Japon, les traductions, on n'imagine pas l'argent qu'on engrange avec ces traductions et cette diffusion très large. Avec un petit bémol, puis on va terminer là-dessus, c'est que comme on cherche des films qui font beaucoup d'argent, Hollywood va, ces dernières années, être plus prudent dans les choix qu'il On pourrait dire conservateur. Oui. Tout à fait. On cherche aussi à faire souvent des choses qui ont déjà marché. Donc, des remakes. On le sait, beaucoup de films français sont refaits aux États-Unis parce que le scénario est facile. On ne fait que le traduire. On laisse de côté les caractères un peu trop nationaux et on recommence. Laurent Turcot, historien à l'Université du Québec à Trois-Rivières, collaborateur régulier d'Aujourd'hui l'Histoire. Merci, Laurent. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur les sites internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.